Genèse chapitre 46. Israël donc partit, avec tout ce qui lui appartenait, et vint à Beer-Séba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Et Dieu parla à Israël dans les visions de la nuit, en disant, Jacob. Jacob. Et il répondit, Me voici. Et Dieu lui dit, Je suis le Dieu fort, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte. Car je t'y ferai devenir une grande nation. Je descendrai avec toi en Égypte, et je t'en ferai aussi très certainement remonter, et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Ainsi Jacob partit de Beer-Séba, et les enfants d'Israël mirent Jacob, leur père, et leurs petits-enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le porter. Ils emmenèrent aussi leur bétail, et leurs biens, qu'ils avaient acquis dans le pays de Chanaan, et Jacob, et toute sa famille avec lui, vinrent en Égypte. Il amena donc avec lui en Égypte ses enfants, et les enfants de ses enfants, ses filles, et les filles de ses fils, et toute sa famille. Or ce sont ici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses enfants. Le premier-né de Jacob fut Ruban. Et les enfants de Ruban, Hénoc, Palu, Hetsron et Carmi. Et les enfants de Siméon, Shemuel, Jamin, Oab, Jaquin et Tsoar, et Saül, fils d'une Chananéenne. Et les enfants de Lévi, Gerson, Kehat et Merari. Et les enfants de Juda, et, Onan, Sella, Pharé et Zara, Mézé et Onan moururent au pays de Chanaan. Les enfants de Pharé furent Hetsron et Amul. Et les enfants d'Issacar, Tola, Puba, Job et Saint-Ron. Et les enfants de Zabulon, Séred, Elon et Jaléel. Ce sont là les enfants de Léa, qu'elle enfanta à Jacob en Padan Aram, avec Dina sa fille, toutes les personnes de ses fils et de ses filles furent 33. Et les enfants de Ga, Sibjon, Agji, Suni, Etesbon, Eri, Arodi et Areli. Et les enfants d'Azé, Jana, Jisua, Jisui, Beria, et Sarah, leur sœur. Les enfants de Beria, Ebé et Malkiel. Ce sont là les enfants de Zilpa, que l'abandonna à Léa, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, savoir, 6 personnes. Les enfants de Rachel, femme de Jacob, furent Joseph et Benjamin. Et il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, Casenath, fille de Potiphéra, gouverneur d'On, lui enfanta. Et les enfants de Benjamin étaient Bella, Béké, Asbel, Guéra, Naaman, Ei, Ro, Mupim, et Upim, et Ar. Ce sont là les enfants de Rachel, qu'elle enfanta à Jacob, en tout, 14 personnes. Et les enfants de Dan, Uzim. Et les enfants de Nephtali, Jatseel, Guni, Jetsé, Siem. Ce sont là les enfants de Bilha, laquelle l'abandonna à Rachel, sa fille, et elle les enfanta à Jacob, en tout, 7 personnes. Toutes les personnes appartenant à Jacob qui vinrent en Égypte, et qui étaient sorties de sa hanche, sans les femmes des enfants de Jacob, furent en tout 66. Et les enfants de Joseph qui lui étaient nés en Égypte, furent 2 personnes. Toutes les personnes donc de la maison de Jacob qui vinrent en Égypte, furent 70. Or Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, à H, pour l'avertir de venir au devant de lui en Goshen. Ils vinrent donc dans la contrée de Goshen. Et Joseph fit atteler son chariot, et monta pour aller au devant d'Israël, son père, en Goshen. Il se fit voir à lui, il se jeta sur son cou, et pleura quelque temps sur son cou. Et Israël dit à Joseph, « Que je meure à présent, puisque j'ai vu ton visage, et que tu vis encore. » Puis Joseph dit à ses frères, et à la famille de son père, « Je remonterai, et ferai savoir à Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères, et la famille de mon père, qui étaient au pays de Chanaan, sont venus vers moi, et ces hommes sont bergers, et se sont toujours mêlés de bétail, et ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui était à eux. Or il arrivera que Pharaon vous fera appeler, et vous dira, quel est votre métier? Et vous direz, tes serviteurs se sont toujours mêlés de bétail, dès leur jeunesse jusqu'à maintenant, tant nous que nos pères, afin que vous demeuriez en la contrée de Gossan, car les Égyptiens ont en Abominati, ont les bergers.